Le Parti communiste de Pridnestrovie a signé le 30 mars à l'historique déclaration de Pyongyang défendant et faisant progresser la cause du socialisme. Oleg Horjian, président du comité central du parti en séjour en Corée, y a déposé sa signature au nom de son parti.